L'actualité à Nancy et ailleurs. 19e édition du marché d'automne d'Annonville sous les côtes. C'est ce dimanche 1er octobre. Séverine Flory, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice pour l'écomusée d'Annonville. Parlons directement maintenant du contenu de cette journée du 1er octobre. Que nous réserve cette journée qui met à l'honneur cette année la haie? Je vous répondrai comme tous les ans, plein de surprises. Et effectivement, avec comme fil conducteur la haie, thème que l'écomusée a choisi pour cette année 2017 et qu'on va retrouver dans les ateliers qui sont sur le marché d'automne, donc ce dimanche 1er octobre, avec des petits ateliers pratiques de vannerie sauvage ou même au travers de cuisine, avec certains intervenants qui proposent du coup un atelier de cuisine autour des petits fruits de la haie ou également de découverte des oiseaux de la haie. Pourquoi cette thématique justement? Quelle est l'importance d'une haie? Si on regarde un petit peu autour de nous, nos paysages, on s'aperçoit que les haies ont plutôt tendance à disparaître, à être arrachées. On s'est dit pourquoi pas mettre en avant ce milieu naturel dans lequel on va trouver une certaine faune, une certaine flore qui va venir s'y installer. Du coup, tout notre programme de l'année 2017 mettait en avant cette thématique avec certaines actions et je pense notamment au niveau du rucher école, du rucher pédagogique de l'écomusée, au niveau duquel on a eu un petit chantier de restauration et notamment de plantation d'une haie avec en lien avec une petite association locale qui s'appelle Et Alors. D'accord, donc il y a des associations qui militent donc pour qu'on refasse des haies sur les champs. Voilà, tout à fait. Donc il y en a quelques-unes et nous, c'est vrai que étant situé à Nonville sous les côtes, on en a une à quelques kilomètres, une association qui a son siège social à quelques kilomètres et qui s'appelle Et Alors. Et voilà, c'est un petit groupe, effectivement, de militants, on peut le dire, qui a une petite association qui a pour but de planter ou de replanter des haies et qui travaille principalement en lien avec le monde agricole. Du coup, nous, on s'est rapprochés de cette association qui, du coup, fera une petite conférence le 1er octobre après-midi dans les locaux de l'écomusée. Donc, une thématique qui sera déclinée sous différentes formes, une conférence, comme vous venez de le dire, des ateliers pratiques, donc on pourra participer, poser des questions. Les petits ateliers pratiques vont s'échelonner sur toute la journée avec des intervenants d'autres structures. Je pense par exemple à Idaline de l'atelier vert qui, à partir de 10h, va animer un petit atelier de vannerie sauvage. Le petit atelier cuisine dont je vous ai parlé tout à l'heure également qui sera le matin. Une petite démonstration de la technique du plaissage qui sera proposée par Meuse Nature Environnement, donc également à partir de 10h. Petit atelier, comme précisé précédemment, autour de la découverte des oiseaux de la haie, animé par le CPIE de Meuse. Donc CPIE, c'est Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, donc également à partir de 10h. Un petit atelier encore pratique, animé par l'atelier des prés, autour des cadres et des bordures que l'on peut faire avec les matériaux de la haie. L'après-midi, à partir de 14h30, j'animerai moi-même un petit atelier autour de la haie, comment ça marche, à partir d'une maquette. Monsieur Thierry Paul, qui est arboriculteur à Nonville, animera lui un petit atelier pratique dans le jardin de l'écomusée à 15h pour la découverte de la haie fruitière. Et donc, comme je vous l'ai précisé, l'association Et Alors, et notamment avec la présence de Pierrick Moreau, propose une conférence à 16h sur les haies, ça sert à quoi. Il y a d'autres petites animations également tout au long de la journée, pas spécialement sur la haie, mais qui ont leur place également, puisqu'on va trouver par exemple une mini-ferme dès 10h, qui est proposée par la ferme du Sonvaux, donc à proximité d'Annonville. Il y aura également une découverte des abeilles domestiques, justement sur le rucher école, et par le rucher école d'ailleurs de l'écomusée. Une animation avec des jeux en bois, par une petite association locale aussi, voisine de l'écomusée, c'est les Infrénables, qui se trouvent à Fresnes-en-Oise. On aura la chance également d'avoir Katika, une artiste meusienne, qui viendra avec son polkatoun. Donc j'en dis pas plus, je vous invite à venir voir. Et on aura aussi une ambiance un peu de conte grâce à la compagnie L'Artisserie et notamment la présence de François Griffaut qui proposera des contes dans le jardin de l'écomusée à 15h et à 16h. Et pour une ambiance festive, on aura la fanfare Ox Omerta de la compagnie La Roulette qui proposera des temps de musique déambulatoire à 14h30, 15h30 et 16h30. Et je finirai en disant que l'après-midi, de 14h à 17h, l'éco-boutique de l'écomusée sera ouverte. Il sera possible de rencontrer mon collègue Jo, qui est animateur jardinier de l'écomusée, donc dans le jardin de l'écomusée. Et également des démonstrations à l'huilerie, où en fait, cette dame du 19e siècle, donc c'est une vieille machine encore en fonction, nous permet de fabriquer de l'huile de noix. Voilà. Très bien, donc plein de choses à voir. Bien sûr, c'est un marché d'automne, donc plein de produits du terroir à découvrir pour le plaisir des papilles et de produits équitables également. Il y a aussi une bourse aux plantes. Tout à fait. Alors effectivement, le cœur du marché d'automne, effectivement, c'est de proposer aux visiteurs, aux gens qui se baladent, de rencontrer différents producteurs, différents artisans, on va dire, de pouvoir échanger avec eux. Donc cette année, on est à presque 60 inscrits en tant que producteurs ou artisans. Donc ça permet de proposer des produits du terroir, du commerce équitable, de l'artisanat local, et également une bourse aux plantes, qui est tenue par des bénévoles de l'association Écomusée, bénévoles d'ailleurs, soit dit en passant, très important pour la structure, puisque sur une manifestation comme celle-ci, on a presque 70 à 80 bénévoles qui se monopolisent quelques jours auparavant. Le jour même, bien sûr, très important, et puis je dirais le lendemain, voire le surlendemain pour finaliser le rangement. J'en profite également pour préciser qu'il y aura une restauration de proposer le midi à base de produits locaux et de saison, bien sûr. Et donc on va retrouver par exemple des soupes de courgettes, des pizzas ou des flammes, enfin voilà, des petites choses merveilleuses bien sûr, et également des pâtisseries et une buvette. Voilà, donc un programme très chargé, on pourra bien sûr rester donc toute la journée sur place pour se restaurer également. L'entrée est de 2€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et bien entendu, donc on retrouve toutes les infos sur le site internet de l'écomusée, www.écomusée-annonville.com. Sévine Flori, merci. Eh bien, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.